que mort, qu'est-ce qu'on fait? On veut savoir quand on sort dans un corridor. On rit ou on meurt, mais qu'est-ce qu'on fait? On rit ou on dort? On fait le recensement des gorges qui crachent le sang. On déblatère pour la millième fois sur la météo et des bars. On déclenche les élections sur le champ et on vote pour les plus tarlants. Dans un corridor, presque mort. Comment est-ce qu'on se désennuie? C'est comme au cinéma. Mesdames et messieurs, pour la millième fois consécutive, ce soir, on vous présente du réchauffé. C'est la triste histoire d'un homme plein de déboires qui noie ses peines dans l'alcool et le pétrole. Une voici à l'urgence et zou, le sang pisse partout. Mais c'est pas de sa faute, bref, encore une fois, la maudite société.